Leçon 3. Document 1, page 98. Bon, je t'appelle cet après-midi ? Oui, non, je ne serai pas à la maison. Et bien sûr, tu n'as toujours pas de portable. Tu devrais en acheter un, Lucas. Pourquoi faire ? Pour qu'on puisse te joindre plus facilement. Je n'en ai pas besoin. Si, bien sûr. Quand on veut t'appeler pour une chose importante, c'est impossible. C'est tellement rare. Franchement, Mélissa, explique-moi pourquoi je devrais en avoir un. D'abord pour toi. Si tu avais un problème, tu pourrais appeler quelqu'un. Pour te sentir plus en sécurité. Ça n'arrivera peut-être jamais. Peut-être. Ce serait bien aussi pour tes proches, pour qu'ils gardent le contact avec toi. Tu n'es jamais à la maison. Ta fille m'a dit qu'elle en avait assez de tomber sur ton répondeur. Ah bon ? Elle t'a dit ça ? Oui. Je crois que tu pourrais faire cet effort pour lui faire plaisir. Bien sûr, mais tu ne comprends pas. Je ne veux pas être dérangé toute la journée pour des bêtises. Pour être tranquille, tu peux l'éteindre et consulter tes messages de temps en temps. Si je ne m'en sers pas, ce n'est pas la peine. Tu exagères, comme d'habitude. Je vais en parler à ta fille pour qu'elle te fasse changer d'avis. Oh, tu sais, je ne fais pas toujours ses quatre volontés. Non, bien sûr.